Les robots vont prendre vos boulots. Commencez à penser au temps libre. Pour le salaire, www.patron.com. Amis humains, bonjour. Voici le numéro 2 d'une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 4. Histoire de la robotique. Les automates. Les robots modernes descendent bien entendu des automates, conséquence du développement de l'horlogerie, tels les jacquemarts, statuettes animées, apparues au XIVe siècle, qui, placées en haut des tours pour saluer Dieu, marquaient les heures et incarnaient le mystère religieux du temps. Au XVIIIe siècle se développe une nouvelle vision de l'automate qui, au-delà de l'apparence, prétend copier les mécanismes biologiques. Jacques Vaucanson, né à Grenoble en 1709, fait à la fois des études de mécanique et d'anatomie. Rien d'étonnant à ce qu'il souhaite combiner les deux. Il n'est pas loin de la pensée de Descartes qui compare l'homme à une machine. Vaucanson veut construire des machines reproduisant les principales fonctions de la vie, respiration, digestion, circulation sanguine. Ces automates les plus célèbres se veulent des moyens d'obtenir l'intelligence expérimentale d'un mécanisme biologique. En 1738, son joueur de flûte exécutait les mêmes opérations qu'un joueur vivant, souffle, lèvres, doigts. En 1739, Vaucanson présente son célèbre canard capable de digestion, qui fera sa renommée. Son canard bat des ailes, mange du grain, le digère et défait de petites crottes. Mais si le mouvement des ailes du canard de Vaucanson est un chef-d'œuvre de simulation anatomique, la digestion n'est qu'une habile supercherie qui sera découverte et dévoilée, en 1844, par le prestidigitateur Robert Houdin. Fin de cette quatrième partie, à bientôt, grosse bise numérique.